Le système politique français. La politique du pays est dirigée par le président de la République, le premier ministre nommé par le président et les ministres nommés par le premier ministre. Le Parlement vote les lois et le gouvernement les fait appliquer. Le gouvernement est composé de plusieurs ministres. Chacun est en charge d'un ou de plusieurs secteurs, l'économie, les finances, l'emploi, les affaires étrangères, l'éducation nationale, la santé, la jeunesse et les sports, les transports. Le Parlement siège pour discuter, voter puis promulguer les lois. Il est formé de deux instances, l'Assemblée nationale, appelée aussi hémicycle, et le Sénat. Les Français votent pour élire le président de la République, pour choisir les députés et leurs maires. Aux élections, plusieurs candidats se présentent. Ils appartiennent généralement à plusieurs partis politiques, allant de l'extrême droite à l'extrême gauche. Il peut y avoir aussi des candidats indépendants ou appartenant à une liste ou un mouvement comme les écologistes. Les candidats mènent leur campagne pour rassembler le plus grand nombre d'électeurs. Ils présentent leur programme, notamment lors de grands rassemblements ou meetings. Pour être élu, le candidat doit remporter la majorité des voix. Le jour des élections, les électeurs se rendent à leur bureau de vote. Après le passage dans l'isoloir, ils déposent leur bulletin dans une urne. Le soir, les bulletins sont dépouillés et on proclame les résultats. Lors d'une élection, il y a généralement deux tours,